J'ai enregistré sur une bonne porte quelques notes pour ne pas qu'elles s'envolent. 3 par 3 par 3, je les colle, car les notes aiment qu'on les accorde. Comme l'oiseau est attiré par le soleil, quand on la libère, elle déploie ses ailes et s'en va à tire-d'aile dans le ciel. Comme s'enroule une liane avant qu'elle ne se fasse, j'ai cueilli une douce mélodie, une douce mélodie. La musique, comme l'oiseau, est attirée par le soleil. Ses ailes et s'en va à tire-d'aile dans le ciel. Musique, comme l'oiseau, est attiré par le soleil. Quand on la libère, elle déploie ses ailes et s'en va à tire-d'aile dans le ciel. Mais mon cœur en morceaux était scellé, c'est pas une seule parole. Les idées qui s'étiolent dans ma bouche, il n'y avait plus de mots, ne restait que l'écho. La musique, comme l'oiseau, est attirée par le soleil. Ses ailes et son